J'ai eu tes bras en hiver, ton argent en été. Pour nous t'étais sévère, pour moi tu t'endettais. Je rentrais à 16h pété, je te disais faut pas t'inquiéter. Posé devant la télé, au quartier y'a de la salerbe. J'ai le code de la CB, je me servais dans ta cachette. Et je suis désolé, je te dois mon premier salaire. Je vais te le donner, ça je te le promets. Je t'ai la tête vite quand tu te promènes. J'étais jamais dans la bonne catégorie. Trou de poulette sur le carrelage, j'y retrouvais mes souris de garrot. Tout le monde disait que j'avais pas l'âge. Je voulais jamais rentrer le samedi soir. Maintenant je reviens le dimanche midi. Je m'imagine avec ma femme et nos enfants qui t'appellent mamie. Et même si le temps a passé, les amours et les sentiments, au fond j'ai toujours des frissons. Quand je reçois tes petits mots d'amour, allez danse ma chérie, j'suis un ange pour toi. T'inquiète pas pour moi, j'te décevrai pas. J'réponds qu'à tes lois, j'répondais pas toujours au téléphone. T'as vu passer des folles, tu m'as rendu fou des fois. J'faisais aucun effort, j'rendais fou aussi. Pas très bon dans les équations, mais j'suis pas con, j'évite les coinçons. Tu m'as appris que j'étais seul avec ma conscience. Tout se sait, évite les mensonges. Vous vous êtes quitté, j'ai eu peur d'aimer. Et j'ai pardonné, j'pense à tout ce que tu m'as offert. J'pourrais pardonner. Ouais, tu me dis de combattre la flemme, mais j'ai toujours la flemme. J'fume des camas tout l'après-midi, j'enclenche le frigo après. Tu supportais plus mes raids, bah maintenant je les fume à la fenêtre. Et j'jurerai rien sur ta tête, y'a des galères, j'pense à toi et j'm'arrête pas. Et même si le temps a passé, les amours et les sentiments, au fond j'ai toujours des frissons. Quand je reçois tes petits mots d'amour, allez danse ma chérie, j'suis un ange pour toi. T'inquiète pas pour moi, j'te décevrai pas. J'réponds qu'à tes lois, j'répondais pas toujours au téléphone. T'as vu passer des folles, tu m'as rendu fou des fois. J'faisais aucun effort, j'rendais fou aussi, ouais. Tu m'as rendu fou des fois, j'faisais aucun effort, j'rendais fou aussi, ouais. Tu m'as rendu fou des fois, j'faisais aucun effort, j'rendais fou aussi, ouais, ouais. T'as vu passer des folles, maman, j'répondais pas toujours au téléphone. Maman, tu m'as rendu fou des fois, j'rendais fou aussi, ouais, ouais. Et même si le temps passait, les amours et les sentiments, au fond j'ai toujours des frissons. Quand je reçois tes petits mots d'amour, je sais que j'suis un ange pour toi. T'inquiète pas pour moi, j'te décevrai pas. J'réponds qu'à tes lois, j'répondais pas toujours au téléphone. T'as vu passer des folles, tu m'as rendu fou des fois. J'faisais aucun effort, j'rendais fou aussi, ouais.